excellente soirée à toutes et tous. Il est 18h très précise. Voici tout de suite l'émission Earth and Soul. Earth and Soul, tous les mardis de 18h à 19h, présenté par Huggy Anton et Guillaume. Earth and Soul. Une émission bien particulière ce soir, car notre ami Huggy Anton est en train de buller littéralement sur un transat, certainement dans une piscine, assez loin d'ici quand même, hein. On va pas vous dire non plus la destination, c'est un petit secret, enfin, ça reste confidentiel, on va pas non plus faire du closer encore du voici pour parler justement de la vie privée de notre ami Huggy. En tout cas, vous le retrouvez dès ce week-end du côté de l'Esque Concept, car il sera présent, et puis côté Zik, bien entendu, on le retrouve dès la semaine prochaine dans l'émission Art and Soul. C'est bien sûr uniquement sur la fréquence de Galaxy et c'est uniquement pour vous. Sinon, côté Zik, eh bien, il vous a préparé un mix de Jimster avec une très bonne programmation, bien entendu. Et ce sera d'ici quelques secondes, juste histoire d'entendre la fin de ce fameux I Get Deep signé par DJ Leroy. Et c'est bien sûr uniquement sur la fréquence de Galaxy. Et puis Art and Soul, donc c'est jusqu'à 19h. à 19h. Présenté par Huggy Anton et Guillaume. Earth and Soul. We'll be right back. Thank you. Thank you. We'll be right back. Galaxy avec un instant un bon mix hein, depuis 18h sur la fréquence 95.3. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter sur le net live.galaxyfm.com. C'était l'émission Heart and Soul assez particulière ce soir car notre ami Huggy, comme je l'ai dit en début d'émission, est en train de buller littéralement. Mais finis les bulles fin de semaine, Huggy, si tu nous entends. Enfin, je crois pas, à mon avis, il doit bien bronzer et bien se gaver en all inclusive, hein, comme d'habitude. Huggy, donc, vous le retrouvez dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission Heart and Soul où il nous racontera bien entendu ses grandes vacances. Sinon, côté Zik, eh bien, rassurez-vous, il y aura des entrées gratuites d'ici 15 minutes, notamment pour le Colors Club, nouvelle discothèque qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Ça se trouve à Mons avec une soirée explosive ce week-end. DJ Sneak justement en invité avec justement un très bon titre qu'on vous propose justement d'écouter juste après le top horaire. Ça s'appelle Can't Forget sur la belle Tuning Spork et ce sera juste après le top des 19h et d'ici 15 minutes. Donc des entrées gratuites et puis à partir de 19h30, votre rendez-vous Galaxy Live avec l'ambiance des sauts rétro.